On va parler de hockey mineur avec notre ami Hugo Malta. Grosse annonce la semaine passée, donc ou plutôt lundi, concernant l'aréna, la réfection du Centre sportif Benoît Lévesque. Donc, on va parler avec Hugo Malta, puis ça va, parce que ça va changer bien des choses pour la prochaine saison. Salut, Hugo! Salut! Hugo, ça implique quoi pour le hockey mineur de Roberval, toutes ces modifications-là? Ça implique une réorganisation là, complète au niveau là, de l'horaire, là, autant des parties que des pratiques, là, parce que là, on prévoit, selon les premières prévisions, on prévoit là, fermer le centre sportif jusqu'au 1er janvier 2018. Donc, étant donné qu'on regarde pour peut-être là, 1er janvier 2018, ben ça implique que tous les heures de glace du hockey mineur qui étaient déjà à Roberval, ben, si possible, puissent se transférer à Mastoyache. Okay. Sachant qu'il est clair que on va en avoir moins d'heures de glace à Mastoyache qu'à Roberval, parce que de toute manière, on était fusionnés les deux arénas ensemble, puis déjà en étant fusionnés, c'était pour maximiser les heures de glace puis en avoir le plus possible dans notre coin. Donc c'est sûr que ça va demander peut-être une réorganisation là. Nous on était toujours choyés là. On avait toujours des pratiques à glace complète pour chacune des catégories, chacune des équipes, mais ça veut peut-être dire qu'à Roberval, ben avant Noël, toutes les catégories novices ben vont faire des pratiques sur des demi-glaces. Toutes les catégories atomes vont peut-être faire des pratiques sur des demi-glaces au lieu des glaces complètes. Là. Mmh. Et ça se fait ailleurs. Saint-Félicien, eux autres novices, puis atomes, ils sont tous sur des demi-glaces. Mais nous autres, ça va peut-être impliquer ça. Ça va impliquer peut-être que mon atome 2B qui avait 3 heures de pratique par semaine, 2 fois 1 heure et demie, ben va peut-être bien avoir jusqu'à Noël, au lieu de 3 heures, ben va avoir 2 heures de pratique par semaine, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas... Moi, ce matin, j'ai rencontré là, Carole Martel, le directeur des loisirs. Puis là, ben, il s'est entendu sur la plage horaire avec les gens de Mastoyache. Mm. Puis là, ben, il nous a demandé ça, là. Donc, avec Daniel Plourde, là, autour, probablement la semaine prochaine, bon, on va s'asseoir. Puis là, ben, on va regarder avec le nombre d'équipes qu'on avait cette année. Ça l'implique quoi comme. Puis nous, ben, ici, on était chanceux, là. On n'a jamais eu de pratique le vendredi soir. Je sais qu'il y a des places, là, qui prennent sa pratique le vendredi soir, mais à Roberval, on n'a jamais pratiqué le vendredi soir. Là, ça va impliquer qu'il y a des équipes qui vont pratiquer le vendredi soir jusqu'à Noël parce qu'on pourra pas, là, on pourra pas fournir à la demande, là, ou en tout cas, du moins, avoir tous les mêmes bénéfices. Okay. Mais c'est un bien pour un mal, mais c'est un bon casse-tête, là, qu'on devra régler puis présenter ça, ben, à notre assemblée générale pour que les gens, là, puissent être un peu au courant de ce qui va se tramer, là, de septembre à décembre. OK. Donc, ce que ça veut dire maintenant pour, Saint-Félicien, on oublie ça. Le maire a dit qu'il y avait des négociations. Donc, on oublie ça, là. Ben, Saint-Félicien, pour le hockey mineur de Roberval, tu oublies ça. Ouais, hein. Maintenant, pour les autres, tu sais, le maire a dit qu'il y a des ententes avec Saint-Félicien. Je peux pas parler pour le patinage artistique, puis je peux pas parler pour le patinage de vitesse, parce que ça peut être possible qu'il y ait des patineuses artistiques, ça peut être possible qu'il y ait des patineuses du club de patinage de vitesse, ben qui puissent aller pratiquer sur déjà les heures du patinage artistique et de vitesse de Saint-Félicien. Parce qu'admettons qu'à mardi soir, il y a 10 patineuses artistiques, puis le club de Saint-Félicien dit, ben regarde, tu peux nous en amener 5-6 de plus, il n'y a pas de problème, de Roberval. C'est clair que peut-être dans ces cas-là, avec ces deux sports-là, c'est peut-être possible. Mais au niveau du hockey mineur, c'est clair que moi, je peux pas avoir une entente quand déjà Saint-Félicien, au niveau de son hockey mineur, doit aller à l'Adorer. Okay. Pour combler le plage horaire, le hockey mineur de Saint-Félicien a besoin d'aller à l'Adorer. C'est clair que là, je peux pas rajouter Roberval et faire une entente avec Saint-Félicien, c'est impossible. Fait que moi, pour moi, c'est pas pensable à aller à Saint-Félicien, c'est impossible. Pour les autres sports, peut-être qu'il y a possibilité. Mais moi, c'est sûr qu'il faut que je me tourne vers Mastoyache. Puis si éventuellement, ben après Mastoyache, c'est pas possible, ou ben il en manque, ou ben là, on pourra peut-être se tourner vers Chambord, mais c'est. Faut enlever Saint-Félicien de l'équation, ça c'est certain pour nous. OK. Parlons maintenant des impacts. Tu penses que ça va avoir un bel impact, ça, le fait que vous allez avoir un bon centre sportif? Est-ce que ça va augmenter la pratique du hockey à Roberval? pense pas, hein? C'est difficile à dire. Je penserais pas. Honnêtement, je penserais pas que ça augmente le nombre d'inscriptions au hockey mineur ou que ça augmente le patin ou ça augmente le patinage de vitesse parce qu'on a un bel arena. Tout le monde, en tout cas, il va pour dire que l'aréna est, tu sais, est finie, là, elle est maganée, puis que c'est un plus. Mais est-ce que ça va faire en sorte que moi, je vais retrouver des inscriptions de plus? Je sais pas. Peut-être dans les autres sports. Moi, au hockey, je vais au moins maintenir, ça, c'est sûr. C'est sûr que les installations vont être plus intéressantes, puis tout va être plus intéressant. Mais moi, je pense plus que c'est au niveau là de mes parties, peut-être du nombre de personnes que ça va amener. Moi, ça, je peut-être que là-dessus, il y a peut-être ça, ou à la ronde de Vissatome, au niveau que là, l'aréna va être plus intéressante, ça va être la dynamique, puis au niveau de l'organisation de la ronde, c'est sûr que pour moi, ça va faire en sorte que ça va me rendre ma ronde de Vissatome, par exemple, beaucoup plus intéressante. Beaucoup. Les gens, écoute, on est assis sur des 2x4, on se le cachera pas, Robert Val, là. Mm-hmm. Ben, d'avoir des sièges individuels, puis d'avoir, c'est sûr que ça va rendre ça beaucoup plus attrayant puis plus intéressant. Mm-hmm. Mais je suis pas capable de chiffrer ça puis de dire je vais-tu avoir 10 inscriptions de plus à cause de l'aréna. Je penserais pas, là. T'sais, honnêtement, là, j'ai pas. Je penserais pas que ça ait des répercussions sur mon hockey mineur. OK. Donc, on oublie les Saguenayens à Robertval l'an prochain. C'est sûr. On oublie ça, malheureusement. Là, ça, c'est clair. Parce que moi, l'aréna, là, elle ferme le 7 avril à Robertval. Puis après ça, ça ferme le 7 avril. Puis ça va rouvrir le 1er janvier. Là. On est en train de regarder. Puis ce matin, là, c'est justement avec M. Martel. On regardait. Puis je lui demandais, là, faut-tu que je vide l'aréna? Puis va-tu falloir que je vide mes moments hockey mineurs, mes locaux, mais entreposer mes chandails. Fait qu'on parle de sortir mon équipement de là. Il n'y a rien qui se passe. Là. L'aréna, moi, de toute manière, si on prend date pour date, là, l'aréna 26 août comme l'année prochaine, là, et il va avoir un nouveau toit. Si j'ai un nouveau toit puis les nouveaux murs sont posés, ça va être correct, mais je pense pas. Là, on garde juste les bimes à l'intérieur de l'aréna. Le toit s'en va, les murs s'en vont, ils ragrandissent, ils élargissent l'aréna. Fait que non, il y a rien qui va, mais vraiment rien qui va se passer. Là, ça, c'est clair là, jusqu'au 1er janvier, si c'est le plus. Si on entre dans nos dates, puis c'est l'objectif là qu'ils sont capables d'atteindre. Ouais. Fait que non, il n'y a pas ça à Robertval cette année, c'est impossible. OK. Donc, ça vous l'apporte évidemment ici. Là, puis juste pour vous donner une belle idée, c'est un petit 5 000 $ facile à faire à Dolboom. Si ce n'est, je lance ça en idée de main. Parce que Samuel Girard, c'est win-win. Là. Il y a zéro risque avec Samuel. Ce serait pas Samuel, je te poserais la question. Là, ce serait plus tanné un peu. Mais avec Samuel, c'est sûr que le monde de Robertval va venir à Dolboom. Si jamais il décide d'y aller, là. C'est pour ça que je vais lancer les dents en l'air comme ça, là. Ben, c'est clair que peu importe où ce qui va être, là. De toute manière, juste même les gens de Dolbeau, d'avoir les Saguenayens, ou que ce soit Saint-Félicien, ou que ce soit Normandin, peu importe. Les Saguenayens, présentement, tu sais, puis là, ils s'en vont en série, puis je pense qu'ils ils se positionnent bien. Je pense que juste les Saguenayens tout seuls, ça va déjà faire. Ça fait déjà quelque chose, une activité intéressante. Puis là, tu rajoutes, c'est sûr que si tu rajoutes Samuel Girard, là, c'est sûr que là, tu vas rechercher un autre attrait. Déjà, fait que oui, c'est sûr que même les gens, tu mets ça à Normandin, bien, les gens de Normandin vont vouloir aller voir Samuel Girard. Pas juste Robertval, tu mets ça à Dolbeau, c'est la même affaire. Tout le monde va aller le voir jouer. Fait que c'est sûr que c'est super attrayant pour un hockey mineur qui veut le faire. Puis c'est pas quand même. Non. Je vais te le dire, là, je veux dire, c'est pas quand même quelque chose de très complexe à monter parce que tu sais que ça va être vendant. Tu sais vraiment que ça va être vendant. Donc c'est pas là tu passes pas des jours puis des jours puis des jours à penser puis à pas dormir la nuit, dire je vais-tu caler de l'argent. Non. Il y a un peu d'organisation, mais c'est quand même quelque chose de comme tu as dit tantôt, là, c'est quelque chose c'est quand même de sécuritaire de. Oui, c'est win-win, c'est safe, puis il n'y a pas personne qui va perdre de l'argent avec ça. Moi, j'ai vendu mes billets à 15$, puis je les aurais vendus 20$, puis je les aurais tous vendus pareil. Il y a des gens qui me disaient, Goku, tu les as pas vendus 20$, j'avais peur, moi, on avait peur, tu te diras, tout d'un coup, on les vend pas. Mais je les aurais tous vendus à 20$, puis j'aurais fait plus d'argent, puis c'est tout. Mais c'est correct, là, tu sais, je veux dire, j'étais pas là pour profiter du monde, là, mais fait que non, je pense pas qu'il y ait de problème avec ça. Ça va se vendre, puis ça s'organise très, très, très bien. OK. Donc, autre chose à ajouter peut-être en terminant, peut-être le hockey mineur Saint-Bélette, l'an prochain, ça se termine cette semaine. Ouais, la majorité des partout au Lac-Saint-Jean et au Saguenay, là, on finit nos séries dans chacun nos coins, là, c'est-à-dire autant au Lac-Saint-Jean qu'au Saguenay, on finit nos affaires en fin de semaine. Donc il y aura des gagnants dans différentes catégories. Ces gagnants-là, ben, auront l'opportunité la semaine prochaine de prolonger d'une fin de semaine leur saison en allant à la baie à la ronde des champions. Sinon, ben pour, on va dire, 90-95% des jeunes, leur saison là, va se terminer en fin de semaine avec la fin des séries Simplettes. Fait qu'on parle déjà d'une autre année dans le monde du hockey mineur de terminer là, avec cette fin de semaine-ci. Parle-moi de la série Mastouillage d'Olbeau qui promet d'être très enlevante. Écoute, d'Olbeau, son 7e au POC. Première fois que je vois ça, et Mastouillage 19e, puis tu es impliqué dans les Hurricanes de Mastouillage. Donc, ça risque d'être excellent, ça. Ça va être un très, très, très, très, très bon match. Honnêtement, là, à part, il y a eu trois, quatre parties où est-ce que ça a été très, entre Berval puis Saint-Dolbeau, ça a été très, très, très serré. Puis il y a eu deux parties, autant de notre côté que du côté de Dolbeau, où est-ce que, tu sais, les pointages ont été des affaires de 7-2 ou 6-2 d'un bord ou de l'autre, mais sinon, la dernière fois encore, en tournoi à Saint-Bruno, ça a fini 3-2 pour les rapides. On s'est déjà rendu en fusillade. Donc, ça va être des matchs serrés. Ça va être vraiment des matchs serrés avec deux styles complètement différents. Là, donc, nous, chez nous, là, beaucoup plus, je te dirais, peut-être moins d'habilité individuelle, mais très, très, très travaillant. C'est sûr que si on y va sur les habilités de base cette année, Dolbeau a une équipe au niveau du talent individuel qui est très, très, très, très bonne. Fait que nous autres, faut compenser ça par un système de jeu très, très, très serré, puis un peu, c'est pas méchant, là, mais espérer d'étouffer Dolbeau, puis à partir de là, ben être capable de. Mais si on s'en va sur un duel offensif, faut pas s'en aller un duel là, de 7-5 puis de 6-5, parce que je pense qu'au bout de la ligne, Dolbeau a ces habilités-là, puis ces scoreurs-là que nous autres, on a peut-être moins ici. Mais ça va faire du gros hockey, beau hockey là, à partir de la semaine prochaine. Ça devrait commencer. Moi, regarde, je joue ce soir contre l'Abbé. Okay. Nous autres, on mène 2-0. Dolbeau a déjà gagné. Fait que si la logique se maintient, on devrait finir la série ce soir, donc soit mardi prochain ou jeudi prochain. Okay. La série devrait commencer à Dolbeau, Mistassini. Hey, parle-moi de Chipougamau en terminant. C'est triste, parce que c'est un constat vraiment, c'est une catastrophe ce qui s'est passé à Chipougamau cette année. Là. 15-0, 12-1, c'était lamentable. Tu sais, à quelque part, est-ce qu'on devrait tout réviser ça? Puis je sais que Chipougamau, les jeunes aiment mieux jouer dans le doublette, mais est-ce qu'il était calé? Tu sais, Cette année, non. Ouais. L'an prochain, oui. L'an prochain, on sait que Chipougamau, parce que c'est la gang qui est dans le Piwi 2B, puis Chipougamau dans le Piwi 2B, ouais. sont deuxième dans la ligue. Mais c'est sûr que cette année, honnêtement, à part deux joueurs, là, deux très, très, très bons joueurs qu'il y avait à Chipougamau, c'est sûr que le reste, peut-être qu'il aurait pu jouer, faire un beau bantama, puis il aurait peut-être eu plus de plaisir, effectivement, que de jouer dans le bantam. Que jouer dans le Bantam 2B, mais ça, c'est vraiment des choix d'hockey mineur, parce que c'est pas Hockey Sanex Saint-Jean qui est obligé à faire une équipe à 35-38 joueurs, mais eux autres, cette année, ils ont favorisé ce système-là, mais c'est sûr que ça a été plus difficile. Ça a été vraiment difficile. Là. Ça fait des saisons qui sont longues, ça fait des saisons qu'à la fin de l'année, ben les jeunes sont moins. Les joueurs, les jeunes sont peut-être un peu moins intéressés là, à la fin, puis c'est sûr qu'ils se découragent plus vite, puis ça fait une saison là, comme ça a fait à la fin de semaine passée à Dolbeau. Ouais. Bon, on se reparle jeudi prochain, tu sais, avec le bilan de la saison, puis on va se parler de Mastouillage, la série Mastouillage Dolbeau. Aucun problème. Voilà, donc notre collaborateur est